Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Pourquoi trahissait-il et pour qui? Aussi étonnant que cela paraisse, plus de 40 ans après son arrestation, on ne sait toujours pas ce qui a motivé le colonel suédois Wennerström. Cet homme mondain et polyglotte était-il seulement un ambitieux déçu? A-t-il agi par jeu ou avait-il des motivations plus profondes? De nombreuses questions demeurent toujours sans réponse, même si on en sait un peu plus sur les conséquences de sa trahison. Ce mystérieux crash d'un DC-3 de l'aviation suédoise, par exemple, dont on vient tout juste de récupérer la carcasse au fond de la mer Baltique. Mais, comme ne cesse de le dire Monsieur X, n'allons pas trop vite. En tout cas, le dossier Wennerström fait apparaître la Suède sous un éclairage nouveau. Qu'en était-il réellement de la légendaire neutralité suédoise? Et quelle a été la véritable attitude des autorités de Stockholm pendant la Seconde Guerre mondiale? Dans un instant, Monsieur X revient sur cette étrange affaire et propose son explication. Stig Wennerström avait incontestablement de la gueule, si vous me permettez cette expression. Vous en parlez au passé? C'est vrai, j'ai peut-être tort. Car cet ancien officier suédois, né en 1906, vivait encore, il y a peu de temps, dans sa belle villa de Djursholm, la banlieue chic de Stockholm. Et pour être tout à fait franc, j'ignore s'il est aujourd'hui mort ou toujours vivant, enfin peu importe. Ouais. Donc, il avait de l'allure? Ouais. En uniforme ou en smoking, ce grand type au trait régulier qui ressemblait vaguement à Kurt Jürgens s'inspirait confiance. Il était aussi à l'aise dans les bureaux de l'état-major ou les ambassades que dans les réunions mondaines. Un parfait gentleman dont on recherchait la présence. Et pourtant, cet homme élégant et un petit peu snob a sans doute été le plus grand espion suédois. Et il a causé des dommages importants à son pays, mais aussi au camp occidental. Ouais. Alors, racontez, d'où venait-il ? Stig Wennerström est né dans une famille de tradition militaire. Père officier de marine et mère fille d'officier. Ah, il était donc presque naturellement promis à faire lui aussi carrière dans l'armée. Exactement. Mmh. Élève plutôt moyen. Il se ressaisit à la fin de ses études secondaires et réussit ses examens. Ce qui lui permet de devenir élève officier. Mais en 1923, alors, il se trouve en vacances en Allemagne, il a un pépin. Une grave maladie pulmonaire qui va le tenir éloigné pendant une année. Une année qu'il passe dans un sanatorium allemand. C'est très important. Pour quelle raison ? Parce qu'il en profite pour apprendre la langue du pays. Wennerström, qui a manifestement des dons pour les langues, va parler l'allemand à la perfection. Et c'est très bien vu dans l'armée suédoise. Pourquoi ? Parce qu'on y était germanophile. Plutôt, oui. Par tradition, les officiers de la fin du 19e siècle et du début du 20e étaient des admirateurs de l'armée prussienne. Ça a un peu changé après la fin de la Première Guerre mondiale. Mais cette sympathie pour l'Allemagne avait laissé des traces. D'autant que le gouvernement de gauche était partisan de désarmer et de réduire les crédits de l'armée. Ouais, ce qui a provoqué forcément des réactions hostiles dans le corps des officiers. Naturellement, inutile de dire que chez les militaires, on était guerre socialiste. Et puis, la toute jeune URSS bolchevique inspirait les plus grandes peurs. Wennerström se range donc résolument à droite. Oui, comme son père et comme son oncle, lui aussi officier. Mais enfin, voyons la suite de sa carrière. Guéri, il réintègre l'école militaire et choisit la marine. Mais, estimant que l'aviation offre plus de possibilités, il bifurque. C'est un ambitieux. Wennerström, qui a une haute idée de sa personne, veut en effet avancer très vite dans la carrière. Mais d'autre part, il a peu d'appétence pour la vie de caserne. Et dès qu'il le peut, il demande une bourse pour perfectionner sa connaissance des langues. Et comme je vous l'ai dit, il parle déjà couramment l'allemand. Il a aussi de très bonnes connaissances en anglais. Et maintenant, il veut apprendre le russe. Il obtient satisfaction ? Oui. En 1933, il est affecté à la légation suédoise à Riga. La capitale d'une Lettonie encore indépendante. Hein, oui, ouais. Où se trouvent de nombreux Russes. Et c'est à la faculté de Riga qu'il apprend le russe. Mais là n'est pas l'essentiel. En Lettonie, le jeune Wennerström fait deux découvertes. D'abord, il découvre la douceur de la vie diplomatique. Il saura s'en souvenir plus tard lorsqu'il devra mettre fin à sa carrière militaire. D'autre part, d'après ce qu'il a lui-même raconté plus tard, il y rencontre un espion. C'est qui, hein ? Un Américain, qui mène des opérations d'infiltration en territoire soviétique. Un espion qui s'ouvre à ce jeune officier suédois inexpérimenté ? Je sais, ça ne paraît pas très crédible. Mais c'est comme ça qu'il a expliqué plus tard la naissance de sa vocation d'espion. Voilà, le souffle de l'aventure ? Oui, ou le goût de la dissimulation, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, son séjour à Riga n'est qu'une parenthèse. Il doit retourner en Suède et reprend ses études d'officier. Et là, il obtient d'excellents résultats. Lieutenant, il est d'abord affecté à l'état-major de l'aviation, puis il est nommé aide-de-camp du prince Gustav Adolphe. Ici, deux observations. Ouais. Il est évident que Wennerström n'est pas un homme de terrain. Oui, on a compris, il préfère le confort des bureaux, quoi. C'est certain. Hein. Ouais. Ensuite, cette fonction d'aide-de-camp du prince satisfait sa vanité et son désir de briller en société. Mais son snobisme, quoi. Absolument. Et sur le plan privé, sa réussite n'est pas moins évidente. Juste avant la guerre, il épouse la fille unique d'une riche famille bourgeoise. Un mariage d'intérêt ? Non, c'est une union heureuse et sa femme sera toujours à ses côtés. Même quand il sera démasqué ? En effet. Et autant qu'on puisse le savoir, Wennerström lui est resté fidèle. En tout cas pour Stig, qui vient d'une famille de militaires plutôt fauchés, ce mariage le comble et conforte sa position sociale et en même temps, ça ruine l'une des tentatives d'explication de la trahison de Wennerström. Ouais, quoi, l'explication par l'argent, enfin, avant d'avoir été une sorte de harpagon, l'espion suédois n'avait pas besoin d'argent. Enfin, je poursuis. En 1940, après les premiers succès d'Hitler en Europe, Wennerström est nommé attaché militaire adjoint à Moscou. À l'ambassade suédoise. Donc. Et à une époque où nazis et soviétiques sont pratiquement alliés. Mais ça consiste en quoi, son poste ? Récolter des renseignements sur la capacité militaire de l'Union soviétique. Ah ben, ça, c'est déjà quasiment un travail d'espion. Ah ben, si on veut, oui. Mais un attaché militaire peut faire officiellement du renseignement. C'est toute la différence. Ouais, hein. Oui. Quoi qu'il en soit. Et même si pour la seconde fois de sa vie, Wennerström goûte au confort douillet de la vie d'ambassade, le Suédois finit par s'ennuyer. et plus ou moins désœuvré, selon ses propres dires, il fréquente régulièrement ses collègues diplomates allemands. L'occasion de parfaire sa connaissance de la langue germanique. Ouais, enfin, si on veut. Oui. Qu'est-ce que vous insinuez là ? Oh, certes, même s'il est germanophile, Wennerström n'est pas pour autant un sympathisant nazi déclaré. C'est certain, il a des affinités avec les représentants de cette armée allemande qui fait preuve de tant de discipline et de rigueur. Et surtout d'une redoutable efficacité. Ouais, malheureusement, oui. Ça fait donc beaucoup de raisons qui poussent le Suédois à entretenir d'excellentes relations avec ses collègues allemands. Et quand ceux-ci lui demandent de lui parler des visites qu'il vient d'effectuer dans les bases militaires de Mourmansk et de Leningrad, Wennerström n'y voit absolument pas malice et raconte ce qu'il a vu. C'est de la naïveté ? Bien sûr que non. Et j'exagérais à souhait. Ouais, non, c'est sciemment que l'attaché militaire suédois donne des renseignements aux Allemands. En toute bonne conscience, d'ailleurs, puisqu'il communique à son gouvernement les mêmes informations. Mais attendez, il y a quand même une sacrée différence entre le fait de renseigner les nazis et le fait de renseigner son gouvernement. Oui, enfin, je suis d'accord, mais apparemment, ça ne trouble pas du tout Wennerström, qui en même temps noue des rapports avec un officier soviétique, un certain Niki Touchev, qui est en réalité un membre des services de renseignement de l'armée, le GRU. Et le sait-il, lui ? Peut-être. Mais même s'il s'en est rendu compte, il ne rompt pas avec ce Niki Touchev, qu'il retrouvera un peu plus tard à Stockholm. Un curieux personnage, quand même. Au mieux, avec les nazis et les soviétiques. Ah ben, qu'ils fricotent encore ensemble, je vous le rappelle. Ah oui, c'est vrai. Quelques semaines avant l'invasion de l'URSS par Hitler, Wennerström est rappelé à Stockholm. Un nouveau poste ? Et il va désormais rejoindre l'état-major où il est chargé d'une section de l'aviation qui a pour tâche de vérifier les informations provenant de l'étranger. Il flirte donc, encore une fois, là, avec le monde du renseignement. Et dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il se rend fréquemment dans les ambassades allemandes et soviétiques. Et c'est là qu'il revoit ce comment, là, Niki Touchev, là ? Et aux Allemands qui lui demandent s'il a des tuyaux sur l'URSS, il n'hésite pas à ouvrir son cœur. Triple jeu, donc. Ouais, mais enfin, avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler de l'attitude de la Suède pendant la guerre. Parce que ça explique en partie l'attitude de Stig Wennerström. La fameuse neutralité suédoise. Neutralité, non, les Suédois ont toujours été très fiers. Dès que la Seconde Guerre mondiale éclate, la Suède proclame sa neutralité. Elle échappe ainsi à l'occupation nazie, hein, dont vont être victimes ses voisins scandinaves, Danemark et Norvège. Tandis que la Finlande subit les coups de boutoir de l'armée rouge. Ouais. Toutefois, cette neutralité est trompeuse et souffre pas mal d'exceptions. Expliquez alors. Eh bien, le pays n'a pas refusé grand-chose à l'Allemagne nazie. Par exemple, les autorités suédoises ont autorisé le transit sur leur territoire de centaines de milliers de soldats allemands se dirigeant soit vers la Norvège occupée, soit vers le front finlandais. Il en est allé de même, bien entendu, pour le matériel militaire. Et en outre, il y a eu ces milliers de tonnes de minerais de fer acheminés vers l'Allemagne, des livraisons qui ont été indispensables à l'effort de guerre des nazis, et qui ont été payées en or, et de l'or volé aux Juifs. Les Suédois savaient ? Bah écoutez, ils ne pouvaient pas l'ignorer. Et encore plus grave, sans doute pour satisfaire Berlin, Stockholm a mis en place un système de surveillance d'éléments jugés dangereux. Par exemple les communistes. Ah oui, il y a donc que cette neutralité était fallacieuse. Et qu'un homme comme Wennerström pouvait collaborer avec les nazis sans vraiment se cacher. You. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Sous le titre « Les taches sombres de la Suède neutre », le journal Le Monde a publié en 2000 un article sur l'attitude de la Suède pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en extrais ces quelques lignes signées Jacob Antoine. Du port de Luleå dans le Nord étaient exportées quotidiennement 45 000 tonnes de minerais de fer à destination de l'industrie d'armement allemande, soit une partie non négligeable de ses besoins en fer, selon le rapport Eisenstadt, du nom du sous-secrétaire d'État américain ayant dirigé une enquête sur le sort de l'or volé aux victimes de la Shoah. Cet or, le gouvernement suédois l'accepta en guise de paiement, fermant les yeux sur son origine douteuse, une pratique qui continua jusqu'en 1944. L'espace aérien suédois servit aussi à l'armée du Reich. Si d'aventure l'un de ses appareils devait se poser d'urgence ou s'écrasait sur le territoire neutre, son équipage et sa cargaison étaient immédiatement restitués à Berlin. Les autorités de Stockholm allèrent plus loin. Pour ne pas troubler cette coopération avec les Allemands, elles adoptèrent certaines mesures à l'encontre de la population. Par sécurité, des communistes suédois furent internés dans des camps de travail et des centaines de personnes suspectées de sympathie rouge perdirent leur travail. La censure veillait et les journaux écrivaient le moins possible sur l'Allemagne nazie, suivant en cela les consignes du gouvernement de coalition nationale, auquel seuls des communistes ne furent pas conviés, raconte la journaliste Maria Pia Boesius. Existait-il alors une sympathie pro-allemande en Suède ? Oui, incontestablement. Mais elle était minoritaire. En fait, la vérité est que beaucoup de Suédois n'avaient pas pris conscience du tout du véritable enjeu de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, la lutte contre le nazisme. Et je ne sais plus où j'ai lu que le grand cinéaste Ingmar Bergman lui-même a reconnu que jusqu'en 1945, il avait méconnu totalement les horreurs du régime nazi. Ah, oui. Toutefois, à partir de 1943, et sous la pression des alliés, la Suède va petit à petit prendre ses distances avec l'Allemagne. Ah, puis attendez, quand même, il est difficile d'oublier l'action courageuse du consul Wallenberg en faveur des Juifs hongrois. Hein. Ah, certainement, dommage qu'il ait disparu. Cependant, ses frères, les dirigeants de l'énorme conglomérat industriel Wallenberg, n'ont pas hésité, eux, à employer des travailleurs forcés dans leur filiale SKF installée en Allemagne. Un sujet encore plus ou moins tabou en Suède. Bon, enfin, passons et revenons à Wennerström. Fin 1943, pour la première fois de sa vie, il est affecté au commandement d'une unité. Ça ne se passe pas très bien. Ah, qu'est-ce qui lui arrive, hein ? Au cours d'un exercice de bombardement, il effectue une fausse manœuvre et s'en sort de justesse en sautant en parachute. Et ses supérieurs réalisent assez rapidement que si le commandant Wennerström est un excellent officier d'état-major, il n'est certainement pas apte à commander une unité, ni même à devenir un bon pilote. Pour lui, c'est excessivement important, car il comprend désormais que sa carrière militaire ne le mènera pas très haut. Ah oui, son orgueil en prend un coup, là. Ah, certainement, car il rêvait de galons et d'avancement. Enfin, à peu près, à la même époque, sans le savoir, il est passé à côté d'une véritable catastrophe. De quel ordre ? Je vous explique. Au début de l'année 1944, l'état-major de la défense nationale est alerté. Les nazis disposeraient d'une taupe au sein de cet organisme, sans doute une secrétaire. Et la sûreté enquête. Et en interceptant un télégramme d'un haut-gradé allemand, il découvre le nom de Wennerström. L'officier suédois est même qualifié de contact précieux pour tout ce qui touche l'URSS. Bah ça, c'est excessivement compromettant. Ah, sans nul doute. Ouais. Et pourtant, rien ne se passe. C'est-à-dire que Wennerström n'est pas inquiété. Il n'y a même pas eu un commencement d'enquête. Mais comment vous expliquez ça, alors ? Je vous ai parlé de la germanophilie de certains Suédois. Ouais, enfin. C'est, à mon avis, la seule explication. Sans compter que dans ce télégramme, il était seulement fait état d'informations concernant l'URSS. Ah oui, et pas la Suède. Alors, les gens de la sûreté ont certainement considéré que fournir des renseignements aux Allemands sur les Russes ne pouvait constituer un délit d'espionnage bien grave. La neutralité à bon dos. Enfin, j'ai tendance à être d'accord avec vous. Enfin, après la guerre, Wennerström retrouve son cher état-major. On lui confie la tâche de rassembler des informations sur les opérations aériennes pendant la guerre. C'est un travail d'archiviste. Pas seulement. En réalité, il s'agit de montrer au gouvernement social-démocrate, qui a repris les rênes du pouvoir après la guerre, que l'aviation militaire joue un rôle de premier plan dans les conflits modernes. Ah oui, donc faut pas réduire les crédits. Ah, ben voilà. Ouais. En même temps, Wennerström, qui est maintenant lieutenant-colonel, admet qu'il ne progressera plus guère dans la hiérarchie militaire. Et il pense à se reconvertir dans la diplomatie, où il se sent tellement à l'aise. Ouais, et puis, un travail qui lui permet de glaner des renseignements très utiles. Et déjà, Il est l'objet de nombreuses sollicitations. Les Américains, mais aussi les Russes, lui font des propositions. Mais soyez plus précis, on lui demande de, quoi, de devenir un agent. Oui, c'est très clair et très compliqué à la fois. Expliquez. Lennartstrom peut jouer sur les deux tableaux. Espionner, par exemple, les Soviétiques au profit des Américains, ou bien espionner ces derniers pour le compte de Moscou. Car il faut tenir compte d'un point essentiel, son futur travail d'attaché militaire. Ouais, car il va vraiment réussir à entrer dans le corps diplomatique. En effet. Ouais. Donc ce travail lui permet de fréquenter les diplomates des deux camps, sans que personne ne se pose de questions. Ouais, c'est très pratique. Hein. Ouais. Toutefois, bah, il va quand même être obligé de donner la préférence à l'un de ses camps. Non ah bah, c'est sûr. Enfin, un petit peu de patience, si vous voulez bien. Mmh. Pour les services occidentaux, Wennerström est un personnage très intéressant. Il a déjà été en poste à Moscou et il connaît beaucoup de monde là-bas. En outre, il est citoyen d'un pays neutre. C'est important, ça. On se méfie moins de l'attaché militaire d'un État qui a choisi de rester à mi-distance de l'Ouest et de l'Est. Même si cette neutralité est une fiction. Je vais vous le prouver dans la suite de cette histoire. En tout cas, Wennerström réussit son coup. Il est autorisé à s'éloigner de l'armée pour devenir diplomate. Et comme par hasard, il est nommé à Moscou. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, là, comme par hasard? Bon, je suis certain, même si je n'ai pas de preuves, que les Américains ont pesé de tout leur poids pour obtenir des autorités suédoises cette nomination. Mmh, c'est pour cette raison alors que vous doutez de la réalité de la neutralité de la Suède. Bon, ce n'est pas la seule raison, vous allez le voir. Mais dans le cas de Wennerström, ça me paraît évident. Alors, c'est donc un agent américain qui est nommé à Moscou, c'est bien ça? Je le pense. Ouais. Mais pour autant, Wennerström a-t-il dit non aux Soviétiques? Ah bah, pas du tout, et ce n'est pas contradictoire. Ce sont ses amis américains qui l'encouragent à reprendre des contacts avec les services secrets soviétiques. Et ça lui est d'autant plus facile qu'avant-guerre, je vous l'ai dit, il s'alliait d'amitié avec un officier du GRU. Ouais, ce Niki Touchev. Oui, ouais. Qui va bientôt le présenter à son chef, le général Lemenov. Un homme qui lui fait une forte impression. Ouais. Et pour lequel, alors, tout en étant lié aux Américains, il va travailler? C'est la vérité, oui. Ouais. Mais attendez, en étant en poste à Moscou, quel service peut-il rendre aux Soviétiques? Wennerström n'est peut-être pas arrivé là les mains vides. Affecté à l'état-major lorsqu'il était encore à Stockholm, il a sans doute eu connaissance d'informations secrètes sur la défense. La défense suédoise, oui. Ouais. Et ça intéresse beaucoup les Soviétiques. On est en pleine guerre froide, ne l'oubliez pas. Et les pays scandinaves s'interrogent. Toujours cette question de la neutralité, là. Oui, ouais. La Suède, le Danemark et la Norvège ont mis au point une sorte de pacte de défense commune. Et au moins, pour ce qui concerne l'aviation, Wennerström n'a pas pu ne pas être informé des détails de ce plan. Remarquez, ces renseignements deviendront bien vite obsolètes, puisque le Danemark et la Norvège choisiront finalement de rejoindre l'OTAN. Mmh. Le Suédois, là, joue donc un double jeu. Hein. Mais si les Américains savent qu'il est en contact avec les services... Ah, ils l'ont même encouragé. Ah, bon. D'accord, mais les Russes, sont-ils au courant de la duplicité du Suédois? Ah ben, ils vont le devenir. Et ce jour-là, Wennerström pensera très sérieusement que sa dernière heure est arrivée. France Inter, Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X, rediffusion. Un compatriote de Wennerström, H.K. Rönnblom, a publié une biographie très détaillée de l'espion après avoir eu accès à quelques pièces de son procès. Voici ce qu'il écrit à propos de ce double jeu auquel s'est livré Wennerström lorsqu'il était en poste à Moscou. Le service le plus grand qu'il rendit aux Américains fut une observation qu'il fit au cours d'un voyage à Novosibirsk en tant qu'attaché de l'air. Au retour, il communiqua à son collègue américain l'emplacement de deux nouvelles bases aériennes. Il avait aperçu la première au cours d'une étape où il parvint à photographier un bombardier au téléobjectif par la fenêtre de la toilette. La photo fut si réussie qu'on apercevait tous les détails de l'appareil. Quant à la seconde base, il la localisa grâce à une affiche où l'on demandait un spécialiste météorologue. Toutefois, Wennerström servait davantage les Russes que les Américains. Et le centre de gravité de ses activités glissa de plus en plus du côté soviétique. Peut-être n'est-ce là qu'une conséquence d'ordre pratique. Il pouvait se procurer sur place, grâce à ses contacts diplomatiques, les informations dont les Russes avaient besoin, au contraire. Pour donner satisfaction aux Américains, il devait se déplacer et il est évident qu'il ne pouvait multiplier ses voyages à l'intérieur du pays. Il était donc plus aisé de travailler pour les Russes. Wennerström a donc vraiment cru que les Soviétiques allaient l'assassiner? Oui, oui. Les services secrets venaient de déchiffrer un télégramme que le Suédois venait d'envoyer à ses amis américains. Un télégramme qui prouvait sa duplicité? Ah, de façon indubitable. Et à cette époque, On était encore en pleine glaciation stalinienne. On ne rigolait pas avec ce genre de choses. Ah, attendez, Wennerström était quand même diplomate d'un pays neutre. Vous croyez que ça aurait pu empêcher les soviétiques de le faire disparaître? Non. Mais s'ils ne l'ont pas liquidé, c'est qu'ils venaient d'apprendre une nouvelle formidable. Quoi, là? Wennerström était appelé par son gouvernement à occuper le poste d'attaché de l'air à l'ambassade suédoise de Washington. Et ça, pour les soviétiques, c'était une véritable aubaine. Parce que le Suédois allait pouvoir espionner pour eux aux États-Unis. Ouais, oui, d'autant que les fonctions de Wennerström consistaient à suivre les progrès techniques de l'aviation militaire et même à prendre contact avec les industriels du secteur afin de négocier des achats d'appareils. Alors, il va donc disposer là-bas d'une véritable manne de renseignements. Ah bah, c'est évident. Mais Moscou peut-il faire confiance à un homme qui mène un double jeu? Oui, parce qu'ils le tiennent, et de plusieurs façons, vous allez le voir. Enfin, n'allons pas trop vite. Ah bon, d'accord. Wennerström, mondain, policé, n'a aucun mal à conquérir la bonne société états-unienne. Il noue de nombreuses relations avec les diplomates, des généraux, et même avec le célèbre patron de la CIA, Allen Dulles. Ouais. Ouais, ça lui est d'autant plus facile qu'il a travaillé pour la CIA. Et qu'il a certainement, en parfait accord avec ses employeurs moscovites, continué à distiller des informations aux Américains. En outre, c'est important, Wennerström est bel homme, et les épouses de tous ces personnages importants ne sont pas insensibles à son charme. Des aventures? Peut-être, mais Wennerström est prudent. Et puis je crois vous l'avoir dit, il aime sa femme. Ouais. Enfin, là n'est pas l'essentiel. Pendant les 5 ans qu'il passe à Washington, l'espion fournit au service secret soviétique une quantité d'informations techniques. Dans le domaine de l'aviation, hein. Ouais. Pas seulement. Sur les fusées aussi, sur les viseurs ou encore la miniaturisation électronique mise en œuvre dans la conception des radars, par exemple. Bref, une véritable moisson. Et comment transmet-il ses secrets? Oh, le plus simplement du monde. Lorsqu'il rencontre lors d'une soirée ou d'une réception son collègue soviétique, les documents changent de main sans que personne n'y prête attention. Ouais. Il reste donc, avez-vous dit, 5 ans à Washington. Hein, et après? Ben, il revient en Suède et il est promu. Il devient chef du département de l'air au bureau du commandement de la Défense nationale. Un poste important, puisqu'il est chargé des affaires atomiques et des armes robots. Encore une fonction, alors qu'il va lui donner accès à de nombreux secrets militaires. Alors, va-t-il continuer à livrer des informations soviétiques? C'est-à-dire, trahir son propre pays, ce qu'il n'a pas encore fait. Oui, je sais, oui, c'est ce qu'il a prétendu plus tard. Il n'aurait commencé à trahir la Suède qu'en 1959. Mais c'est parfaitement faux. Et l'affaire dont je vais vous parler est particulièrement grave. Et elle bat surtout en brèche le mythe de la neutralité suédoise. Allez. Alors allez-y, je vous écoute. Là. À la fin du printemps 1952, un DC-3 de l'armée suédoise est abattu par un avion de chasse soviétique au-dessus de la mer Baltique. À bord, selon Stockholm, se trouvaient 8 élèves radiotélégraphistes. Bien entendu, le Kremlin a toujours nié, comme il a nié une autre attaque contre un appareil qui cherchait les traces du premier. Il faudra attendre 1991 et l'effondrement de l'Empire soviétique pour que les Russes reconnaissent enfin leur responsabilité dans cette double attaque aérienne. Oui, d'accord, mais enfin, que vient faire Wennerström là, dans cette affaire? Le DC-3 n'était pas tout à fait un avion d'entraînement comme les autres. Et les prétendus élèves radiotélégraphistes étaient en réalité des spécialistes des radars, surtout des radars du bloc communiste. Des espions aériens, en quelque sorte. Oui, oui, leur mission consistait à localiser les stations radars installées sur les côtes baltes, polonaises ou est-allemandes. Et quand le DC-3 a été abattu, il effectuait sa 20e opération d'espionnage. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ces missions étaient en réalité destinées à fournir des renseignements aux forces de l'OTAN. Ah bon, les Suédois étaient en somme des sous-traitants? Ah, mais ce faisant, ils portaient gravement atteinte à cette neutralité dont ils se réclamaient si fort. Alors maintenant, revenons à Wennerström. Il quitte Moscou en avril 52. Donc, 2 mois avant ces deux attaques aériennes. Hein. Oui, oui. Ouais. Il passe quelque temps à Stockholm avant de rejoindre son nouveau poste à Washington. Est-ce à Stockholm ou à Washington qu'il a appris que les Suédois espionnaient le système des radars soviétiques? Ça, je ne le sais pas, mais il est certain que c'est lui qui a vendu la mèche aux Soviétiques. Ce qui vous fait dire qu'il travaillait pour le camp de l'Est, contre son pays, bien avant 59. Bien sûr. Un dernier mot sur cette affaire. L'épave du DC-3 a été repérée il n'y a pas si longtemps, au fond de la mer Baltique, à proximité de l'île de Gotland. Mais la marine suédoise n'a montré aucun enthousiasme à l'idée de la renflouer. Il a fallu que les familles des disparus insistent pour qu'elles consentent enfin à repêcher cette carcasse plantée dans les fonds sableux de la Baltique. Ouais, à cause de cette affaire d'espionnage. Bien entendu, les Suédois ne se sentaient pas le nez très propre dans cette affaire. Par conséquent, si je vous entends bien, Wennerström, qui a déjà trahi son pays... Et qui est responsable de la mort de 8 de ses compatriotes... Il va continuer à trahir. Il ne peut pas faire autrement. Il a la corde au cou, si je puis dire. S'il refuse de travailler pour les Soviétiques, ceux-ci peuvent le dénoncer. Au fond, seule la retraite peut le sauver. La retraite ou une affectation où il n'aurait plus à connaître de secrets intéressant les Russes. Mais il est tellement orgueilleux qu'il aurait été capable de refuser. Ça fait plusieurs fois que vous me parlez de son orgueil, là. Oui, parce que ça a beaucoup compté. Tenez, je suis même à peu près sûr qu'il n'est devenu un traître que pour cette raison. Parce qu'il n'était pas assez considéré par rapport au mérite qu'il s'attribuait. Et confusément, en trahissant son camp et sa patrie, se vengeait. Ouais, ouais. Une vengeance qui a coûté très cher à son pays. Hein. Ça, c'est certain. Parce que dès son retour à Stockholm en 1957, il va fournir des milliers de documents à son officier traitant. Sur les innovations techniques de l'aviation suédoise, par exemple. Okay. Or, la Suède construit des appareils militaires. Hein. C'est exact. Et des chasseurs très performants. Mais dont les secrets technologiques sont donc partis à Moscou. Et en plus, pour ne pas déroger à ses bonnes vieilles habitudes, Wennerström a continué à fréquenter le personnel diplomatique. Et plus particulièrement les Américains. Et là aussi, il ne fait nul doute qu'il a glané des renseignements très intéressants pour les Soviétiques. Mais enfin, tout a une fin. Ouais, il va se faire pincer, c'est ça? Mais ça mérite d'être raconté. Dès la fin des années 50, un commissaire de la Sûreté commence à s'intéresser à lui. Pourquoi? Bon, on a dit plus tard que ce flic, Danielson, avait un flair extraordinaire. Bon, moi je veux bien. Mais au départ, il y a eu un tuyau. Ou plus simplement, une information donnée par un transfuge de l'Est. Peut-être même ce Golitsyn dont nous avons déjà parlé. Ah, c'est ce défecteur soviétique qui a tourné la tête de James Angleton, le chasseur de taupes de la CIA. C'est ça. Ouais. Et donc les Suédois sont sans doute informés qu'une taupe sévit chez eux. Et en faisant le tour des personnages qui ont accès à des informations confidentielles sur la défense... Ils repèrent Wennerström qui est l'un d'eux. Voilà, et c'est là qu'intervient le fameux flair de ce Danielson. Oui. Flair relative, donc. Mais pourquoi ce personnage si policé hein, de Wennerström attire-t-il son attention Il y a essentiellement le fait que le colonel, parce que j'ai oublié de vous dire, il a désormais grimpé en grade, mais il ne sera jamais général, comme il l'espérait. Donc il y a le fait que le colonel sort souvent des dossiers qui ne sont pas apparemment de son domaine de compétence. Il y a aussi son long séjour à Moscou. Et même au début des années 60, un nouveau voyage à Moscou que Wennerström a tenté de dissimuler en changeant plusieurs fois d'avion. Ça, c'est en effet très suspect. Hein. Mais le flair ne suffit pas. Il faut des preuves matérielles pour confondre un homme qui est quand même colonel et qui a un passé sans tâche. Alors, en dehors des mises sous surveillance classique et des écoutes sur sa ligne téléphonique, Danielson recourt à un procédé vicieux. Il demande à la femme de ménage des Wennerström d'espionner son patron. Et elle accepte? Ça doit être une très bonne citoyenne. Et cet espionne en herbe est intrigué par une pièce de la belle villa des Wennerström, une sorte de débarras où le colonel s'enferme souvent. Et naturellement, elle cherche à savoir ce qu'il y fait. Et elle découvre le poteau rose. Wennerström y fait des photos de documents. Et cette futée arrive même à subtiliser deux bobines qu'elle remet à Danielson. Mais la preuve qui manquait. Wennerström, qui a constaté la disparition des bobines, s'apprête à fuir à l'étranger. Mais il est arrêté avant, et il passe sans difficulté aux aveux. Condamné aux travaux forcés à perpétuité en 1964, il sortira de prison au bout de 10 ans et publiera même ses mémoires. Toutefois, tant au cours du procès que dans cet ouvrage, on passera sous silence beaucoup de choses. Oui, parce que la Suède ne voulait pas que l'on réalise l'énormité du travail de taupe de Wennerström, c'est ça? Sans doute, car c'était accablant. Mais il y avait aussi le fait que l'espion avait collaboré avec les services secrets américains, avec l'accord de ses supérieurs. Et ça, le gouvernement social-démocrate suédois ne voulait pas en entendre parler parce que ça mettait à mal la fiction de la neutralité suédoise. Enfin, sur le travail de taupe qu'il a effectué pour les soviétiques, on n'a fait qu'effleurer la vérité. Parce que ça risquait de faire émerger la réalité des compromissions suédoises avec l'Allemagne nazie. Précisez. Rappelez-vous ce télégramme allemand de 1943 où on dit de Wennerström qu'il est un contact précieux. Normalement, cela aurait dû causer de sérieux ennuis aux Suédois. Or, il n'en a rien été. Parce qu'il y avait d'autres sympathisants nazis à l'état-major ou à la sûreté. Ça me paraît évident, mais ça a eu une autre conséquence. Les Soviétiques, ont raflé une bonne partie des archives nazies au lendemain de la guerre. Ils ont certainement trouvé un dossier sur Wennerström. Dès lors, soumis à un chantage, ce dernier était obligé de collaborer avec Moscou, qu'il le voulût ou non. Je reviens pour finir au livre de Rönnblom sur l'affaire Wennerström. J'ai trouvé ceci, une déclaration de l'espion qui a ainsi minimisé sa trahison. La connaissance que 14 années d'expérience m'ont permis d'acquérir du service de renseignement russe me permet d'affirmer que l'URSS n'a aucun intérêt à attaquer la Suède. J'ai donc des raisons de croire que les torts que j'ai causés à mon pays ne se concrétiseront jamais.